Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en vidéo ou l'histoire en podcast sur la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Et là, nous allons faire un petit peu un dossier, un aparté sur l'organisation administrative du royaume franc pour montrer que, bien que barbares, bien que décrits comme barbares, les Francs ne sont pas aussi barbares qu'on ne le dit. Concernant l'origine de l'administration mérovingienne, nous remontons à l'époque de Clovis. Eh bien, l'administration franque va ressembler beaucoup à l'administration du Bas-Empire romain à la fin, justement, de l'existence de cet empire, lorsqu'il est confronté aux nombreuses invasions barbares. Les derniers empereurs ont appliqué la discipline militaire à leur administration civile, au point même de l'appeler très officiellement l'armée sans armes, en ajoutant l'obligation de serment d'allégeance à l'empereur. Donc, à partir du bas empire romain, les fonctionnaires romains, même de l'administration civile, vont devoir prêter allégeance à l'empereur et seront organisés sur un mode militaire. Clovis reprend cette organisation après avoir assemblé la noblesse sénatoriale gallo-romaine et les majores natum, francs, c'est-à-dire les grands des familles franques. Et il impose à tous cette discipline militaire, ainsi que le serment d'allégeance, non à l'empereur bien sûr, mais à lui, le Rex Francorum. Clovis crée ainsi de toutes pièces une noblesse non héréditaire avec deux statuts juridiques notables que sont le statut juridique gallo-romain et le statut juridique franc. Avec la décrétion de Childebert en 595, étendue ensuite par Clotaire II en 613, les nobles gallo-romains et les nobles francs deviennent égaux en droit. Même si en même temps, en tant que nobles, ils sont soumis à un droit distinct des non-nobles. Clovis aussi a repris des distinctions du Bas-Empire. La fameuse catégorie des comtes. Comte, donc c'est un grade militaire pendant le Bas-Empire romain. Et ça reste en réalité à peu près la même chose à l'époque mérovingienne, puisque les comtes exercent des fonctions civiles et fiscales, mais aussi militaires. Ces comtes s'appuient sur des vicomtes qui sont aussi nommés par le roi des Francs. Et ils peuvent être comtes de cité ou de province. Les comtes et vicomtes directement nommés par le roi, mais malheureusement, à partir de la décrétion de Clotaire, eh bien, les grands du royaume vont de plus en plus tenter d'exercer un contrôle direct sur ces comtes. Dans leur travail, les comtes s'appuient sur les barons. Alors on sait aussi qu'ils s'appuient sur des comices, des espèces de fonctionnaires, mais qui resteront finalement des fonctionnaires, quoi, des commis de l'État. Mais ils vont aussi s'appuyer sur des barons, qui ne sont pas à ce moment-là des seigneurs, qui n'ont pas de fief particulier, ce sont juste des hommes libres, chargés de recouvrir les amendes et de poursuivre les coupables, donc de se substituer à la justice privée. Ils sont assez comparables aux centeniers créés par la décrétion de Childebert en 595. Est-ce que leur action recouvre exactement celle des centeniers? Là est la question. Enfin, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de chevaliers à l'époque des Mérovingiens. Il y a simplement des hommes donc libres, capables de s'acheter une monture. Et ces hommes capables de s'acheter une monture ne sont pas très nombreux, il faut savoir. L'armée de Charlemagne que Charlemagne conduit contre les Sarrasins à Poitiers en 732 est une armée de fantassins, donc une armée plutôt sur le modèle en réalité de l'armée romaine, avec très peu de cavaliers et du moins où il n'y a pas de stratégie militaire pour une cavalerie. La chevalerie en effet apparaît donc au Xe siècle. Et va d'ailleurs être considérée d'abord comme un fléau. Alors la chevalerie, en fait, elle apparaît après la bataille de Poitiers, lorsque, impressionné par la cavalerie musulmane, Charles Martel va essayer de constituer une cavalerie qui va être à la fois importante, bien fournie et en même temps facile à mobiliser. Et pour ça, il va donner des fiefs, alors des terres, mais aussi des bénéfices à des hommes libres qui vont pouvoir, avec ces bénéfices ou avec ces terres, qui rapportent évidemment de l'argent, qui vont pouvoir s'acheter un arsenal militaire, une armure et un cheval pour pouvoir combattre dans les rangs de la cavalerie de l'armée franque. Et petit à petit, c'est ça qui va créer en réalité la classe des chevaliers, qui va se développer de plus en plus, et qui va être donc assez important au début du XIe siècle, mais considéré comme un fléau, comme notamment par l'Église, avant que l'Église essaye de christianiser un peu tout ce monde-là, plutôt que d'essayer de supprimer cette classe de chevaliers. Alors, au-dessus donc, des comtes, se trouvent les marquis. Les marquis n'apparaissent pas vraiment à l'époque des Mérovingiens, mais il y a déjà des comtes qui sont à la tête de territoires qui correspondent plutôt à plusieurs comtés et qui sont en général aux frontières du royaume franc. Ils ont aussi des pouvoirs d'exception, notamment celui de lever des armées sans passer par une autorisation royale. En général, les comtes, quand ils lèvent une armée, doivent obtenir l'autorisation du roi. Et ces comtes vont s'appeler les marquis sous les Carolingiens. Mais à l'époque des Mérovingiens, il n'y a pas explicitement des marquis. C'est en fait une invention carolingienne qui doit venir, en réalité, des royaumes germains. En tout cas, ces comtes au pouvoir exceptionnel exercent une puissance militaire, civile et fiscale, avec la particularité de ne pas avoir à demander l'autorisation du roi dans pas mal de domaines, notamment dans l'impôt de guerre et la levée des troupes. Au-dessus du marquis, il y a le duc. Le duc est un grade militaire de l'armée romaine qui a été créé sous Constantin à la fin de l'Empire romain. Donc le duc est un véritable gouverneur général qui exerce son autorité sur des territoires qui peuvent équivaloir à 12 comtés. Les Mérovingiens en ont beaucoup fait usage, notamment pour lever rapidement des troupes et des troupes importantes. On sait que par exemple Dagobert, dans sa lutte contre les Gascons, a réussi à rassembler une dizaine de ducs autour de lui. Dans leur lutte contre les Lombards, il y avait donc les rois mérovingiens et accompagnés d'une vingtaine de ducs. Ça leur permet donc d'avoir rapidement de grosses armées, des grosses armées privées, évidemment. Enfin, les armées ne sont pas tout à fait privées, donc c'est en réalité des hommes libres qui sont réquisitionnés, qui sont appelés et qui ne peuvent pas justement se refuser de combattre. Enfin, au-dessus du duc, il y a le titre inventé par Pépin de Hersault en 687 pour le plus grand malheur de la dynastie mérovingienne, celle de duc des Francs. Un titre héréditaire. Le duc des Francs exerce un pouvoir effectif, alors que le roi n'exerce qu'un pouvoir symbolique. Et la présence d'un duc des Francs à ses côtés est souvent le signe que la fin est proche pour la dynastie régnante. En effet, les Capétiens, qui en ont bien profité pour rafler le pouvoir aux Carolingiens, ont supprimé ce titre lorsqu'ils sont arrivés eux-mêmes au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette organisation militaire? Alors, il faut savoir que cette organisation militaire très hiérarchisée repose elle-même sur une société civile qui est aussi hiérarchisée. Car si, disons, l'unité de base est l'homme libre, eh bien, il y a en dessous de l'homme libre des hommes qui ont des statuts où ils ne sont pas complètement libres. Par exemple, les colons. Les colons sont des hommes libres mais rattachés à une terre. Donc, ils ne peuvent pas quitter leur terre. C'est eux d'ailleurs qui vont donner naissance au servage. Il y a les affranchis de plein droit, qui sont complètement affranchis et qui ressemblent à des hommes libres. Il y a aussi les affranchis simples. Les affranchis simples sont des hommes libres, mais qui sont encore soumis à une obligation de travail en échange d'un salaire ou en échange d'une prestation. C'est aujourd'hui les salariés et les auto-entrepreneurs. Il y a le serf qui est attaché à sa terre, ou le serf domestique qui est attaché à une famille, qu'il sert comme domestique. Le serf est, on sait, limité dans sa liberté d'aller et venir, de transmettre son héritage ou de se marier. Enfin, il y a l'esclave, qui à la fin du 7e siècle existe encore mais à l'état résiduel, et qui est dépourvu de tout droit, qui s'achète et qui se vend, et qui fait partie des biens meubles. Certains crimes infamants ou dettes exorbitantes peuvent conduire à l'esclavage, mais le statut juridique d'esclave n'existe plus à partir du dernier quart du 7e siècle, au moins dans le Regnum Francorum, et ça grâce à la reine Berthilde, qui fera tout pour interdire l'esclavage dans le Regnum Francorum. Alors on voit encore des esclaves, en fait, des fouilles archéologiques dans un cimetière mérovingien dans le Cambrésis, dans la région de Cambrai, un cimetière mérovingien qui a été utilisé de la fin du 6e siècle au début du 7e siècle, montre en réalité qu'il y a des serfs et des esclaves, et d'ailleurs des couples mixtes, serfs-esclaves, dans une région qui, donc c'est la région de Cambrai, qui était considérée comme une région de colonisation. Mais ces esclaves, logiquement, disparaissent à partir de la deuxième moitié du 7e siècle. Donc, cette hiérarchisation montre que la société franque reste en bonne partie romaine, sur certains aspects. Le droit est disparate, varie d'une personne à l'autre, et la centralisation est minimale. Alors, les distinctions ne sont pas raciales, il n'y a pas de... C'est ça qui est intéressant, c'est surtout juridique. Il faut savoir, par exemple, que dans le nord du royaume franc, il y a peu de Gallo-Romains, et dans le sud... Il y a beaucoup plus de Gallo-Romains. Pourquoi ? Parce que dans le nord du royaume franc, c'était plus avantageux, en raison des circonstances, peut-être aussi de la présence des francs plus importante, eh bien de prendre le statut juridique de franc. Et donc il n'y a pas eu, en réalité, une présence beaucoup plus importante de francs qui a expliqué la perte d'influence du droit gallo-romain dans le nord de la France, mais plutôt le fait que les populations locales ont préféré choisir le droit franc pour justement se mettre à l'abri ou de se protéger davantage. La liberté aussi n'est pas du tout le but recherché dans cette société. La liberté est un privilège qui est donné à certains, mais pas à tous. En tout cas, ce n'est pas un absolu. La noblesse de robe est soumise à la noblesse militaire et répond de la même logique. Alors c'est intéressant parce que en fait ils reprennent la même erreur que l'Empire romain à sa fin. À l'époque où l'Empire romain était à son paroxysme, c'est-à-dire à l'époque d'Octave Auguste, de l'empereur Octave Auguste, eh bien il y avait cette maxime célèbre. L'épée se retire devant la toge. L'idée étant qu'en réalité, la noblesse de robe devait l'emporter sur la noblesse militaire. C'est une règle en réalité de prudence politique. Faire la guerre, mais le moins souvent. Utiliser les armes, utiliser les troupes, le moins souvent. Et les périodes de prospérité de l'Empire romain ont souvent correspondu à une époque où l'autorité de Rome s'imposait sans avoir à employer la méthode militaire, la force. Au point que, dans certaines régions de l'Empire romain, les Romains se contentaient de mettre une légion, éventuellement, ou quelquefois même aucune légion. La Gaule, longtemps dominée par les Romains, avait très très peu de légionnaires romains pour la défendre. Car c'était une terre qui était soumise plus par aspiration à l'ordre et par désir de ses habitants à Rome, plutôt que par la force. La force doit venir en second et la persuasion en premier, ou la séduction en premier. Les Mérovingiens, eux, ont repris plutôt la logique de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire que la force doit l'emporter d'abord et la persuasion ensuite. Donc on ne peut pas aussi, alors c'est ça ce qui est intéressant, alors il y a une claire distinction entre évidemment la hiérarchie de l'Église et la hiérarchie civilo-militaire. Alors dans ce podcast on n'a pas parlé de la hiérarchie de l'Église qui a son ordre à elle, mais une des raisons peut-être aussi de cette organisation très militaire de la monarchie mérovingienne s'explique peut-être par le fait que la partie persuasion, la partie plus, disons, qui est plus fondée sur la conviction, la domination par la conviction, la domination des esprits, eh bien, ne se fait pas par les armes, mais plutôt par l'Église. Et c'est l'Église qui exerce cette magistrature morale, alors que la monarchie franque exerce, elle, une magistrature militaire. Point barre. D'où une véritable nette séparation militaire et morale. Alors que, à l'époque romaine, justement, il y avait quand même cette confusion entre, volontairement d'ailleurs entretenue, entre des responsabilités militaires et des responsabilités liturgiques. Et enfin, on ne peut pas parler d'une société d'ordre, car il n'y a pas de hiérarchie entre l'Église et l'État, mais il n'y a pas de tiers-État. Il n'y a pas en réalité de classe guerrière et de classe religieuse et finalement de tiers-État. C'est encore assez confus. Il y a plutôt encore des statuts particuliers, des populations, des Francs, des Gallo-Romains, mais ce n'est pas du tout une vision d'une société d'ordre. Et enfin, on voit plutôt, finalement, quelque chose qui ressemble plus à une intégration harmonieuse de l'ancienne organisation gallo-romaine dans l'organisation mérovingienne. Les Mérovingiens reprennent à leur compte une partie, en réalité, de l'héritage romain et essayent de l'appliquer, mais avec cette particularité que désormais le pouvoir se partage entre finalement les Mérovingiens d'un côté, qui assurent la partie militaire et protectrice, et l'Église d'autre part. Et c'est à partir de là que va apparaître la France que nous connaissons aujourd'hui. Merci pour ce petit aparté sur l'organisation administrative et militaire de la France mérovingienne. Une époque passionnante, et j'espère vous avoir fait partager un peu cette passion pour cette période trouble, étrange, curieuse de notre passé, qui semble loin, mais qui en même temps, sur certains aspects, est proche de nos préoccupations aujourd'hui, alors que nous vivons une époque de remise en question, de restructuration de la société, de l'État et de nos valeurs. Merci et à bientôt.